cours numéro 35. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salat wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. Donc dans ce 35e chapitre, il a cité, rahimahullah, ma yata'allaq bin nasiha, lil muslimin, et le fait de conseiller ses frères croyants. Qala akhbaran al-Hussein ibn Muhammad ibn Abi Ma'shar ibn Harran. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو البجلي قال حدثنا الزهير ابن معاوية عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فجعل النصيحة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé النصيحة الدين. Et ça montre l'importance de se conseiller entre musulmans. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم إلى expliqué هذا الحديث فنقرأ باختصار un passage. قال رحمه الله وقال أبو عمرو ابن الصلاح الإمام صاحب المقدمة في مصطلح الحديث النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. هذا تعريف جميل. Il a cité cette définition pour النصيحة كلمة جامعة. C'est un mot qui englobe. قال جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير. C'est النصيحة le fait de vouloir le bien pour celui que tu conseilles. قال بوجوه الخير إرادة وفعلا. أي tu as cette volonté et tu fais tout pour lui faire parvenir هذا الخير. Que tu sois une cause avec une kalima, avec une parole ou avec un acte. هذا هو أو هذه هي النصيحة. Et ça, ça nous montre النية, l'intention que un nasih il doit avoir. Enfin, si tu conseilles ton frère أخي الكريم, ton intention, ça doit être hal. Ton intention, ça doit être de vouloir lui faire parvenir ce bien. Tu sais que ce bien, c'est profitable pour lui. Tu sais que délaisser cette chose, ça peut être néfaste. Et vu que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu appliques هذه النصيحة. قال رحمه الله هذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. Ça nous montre أن النصيحة s'englobe جميع الدين. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. فالنصيحة s'englobe l'Islam, s'englobe l'Iman, s'englobe l'Ihsan. On revient à la parole d'Abu Umar, ou Abu Amr plutôt ibn Salah. قال فالنصيحة لله. On répète le hadith. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc les sahaba ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour qui هذه النصيحة. Vu que elle a cette importance, النصيحة c'est la religion, c'est pour qui cette نصيحة, on doit conseiller qui. قال لله. النصيحة لله. قال أبو عمرو رحمه الله توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. النصيحة لله c'est que حق الله سبحانه وتعالى tu le donnes à personne d'autre. Tu adores Allah سبحانه وتعالى seul. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك to accept ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال والجلال. Tous les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, tu les acceptes et tu t'écartes de tariqatu al-munharifin, ay al-mumathil al-mushabbiha. Allah il a des attributs et ces attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. كذلك تتكحت طريقة المعطلة الجهمية أي ceux qui ont rejeté les attributs لأن ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a des attributs فforcément tu fais ressembler Allah à la créature وهذا من الضلال فتثبت الصفات tu acceptes les noms et les attributs d'Allah سبحانه وتعالى et tu t'écartes du تمثيل et du تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فساس من النصيحة لله أي que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'adores seul et que tu acceptes tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن أو dans la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. قال وتجنب وتجتنب معصيه والقيام نعم وتجنب معصيه والقيام بطاعاته ومحبه بوصف الإخلاص. Ça c'est min al-nasiha lillahi azza wa jalla. كذلك de mettre en application tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné. Bien sûr chacun selon sa capacité. فاتقوا الله ما استطعتم. Et كذلك s'écarter de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit. والقيام بطاعته ومحبه بوصف الإخلاص. Tout cela que pour Allah. Pas pour se montrer devant les autres. Ça, c'est pas min al-nasiha. Lillahi azza wa jal fi shay. Ça, c'est min al-riya, c'est de l'ostentation. Ça fait partie du shirk. Ça peut être asghar, ça peut être akbar. كذلك قال والحب فيه والبغض فيه. Ça, c'est un point très très important. Al-wala wal-bara. Aimer pour Allah. Tu aimes cette personne pas parce qu'elle a la même origine que toi, parce qu'elle a telle responsabilité fi dunya ou tu peux profiter de cette personne min jihat ad-dunya abadan. Tu l'aimes fillah wa lillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك tu détestes pour Allah. Ça c'est min an-nasiha lillah. Fahdhar min الدعاوى qui sont propagées à notre époque qui contredit هذا الأصل العظيم. أن tu dois détester personne, tu dois aimer tout le monde. Ça c'est pas من النصيحة لله عز وجل أبدا. Tu dois aimer ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et tu dois détester ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Et Allah il aime les croyants et il déteste les mécréants. قال وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. كذلك الجهاد في سبيل الله إذا توفرت الشروط جهاد شرعي. فهذا سمينا النصيحة لله. لماذا؟ لأن الجهاد بخبش إلى بقول الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء إلى ذلك بالعلم. كذلك بخبش إلى بقول الله سبحانه وتعالى. لا ليجيسلاسيون الله عز وجل avec science, وَالْحَثُ عَلَيْهِ encourager les gens à suivre à هذا الدين. Tout ça, c'est من النصيحة لله عز وجل. ثم قال والنصيحة لكتابه. Qu'est-ce que ça veut dire النصيحة conseiller le livre d'Allah عز وجل. النصيحة لكتاب الله. قال الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته. النصيحة لكتاب الله عز وجل c'est d'avoir la conviction, la certitude que c'est la parole d'Allah subhanahu et de respecter هذا الكتاب, ne pas critiquer هذا الكتاب, ne pas se moquer de هذا الكتاب. هذا c'est الكفر الواضح. Ça fait partie en rien de النصيحة. وتلاوته حق تلاوته, ne pas négliger التلاوة, le fait de le réciter, lui donner du temps. Ça c'est mina an-nasiha li kitabillah. Qala wal wuquf ma'a awamirihi wa nawahih. Et ça c'est le fruit de cette récitation et de ce ta'zim. Si on respecte al-Qur'an al-Karim et si on aime al-Qur'an al-Karim et si on fait des efforts pour le réciter, pour l'apprendre, tout ça c'est pour mettre en pratique. La mise en pratique de tout ce qu'il y a dans fil-Qur'an min al-awamir wa nawahih, les ordres et les interdictions, Ça fait partie de An-Nasiha li hadha al-kitab. Qala wa tafahum ulumihi wa amthalihi. Ça c'est important. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé hadha al-kitab pour natadabbar wa nata'ammal wa nata'allam. Combien d'exemples Allah il a cité via le Coran? Combien d'ordres? Combien d'interdictions? Combien de récits il a cité Azza wa Jal? Enfin, on doit faire des efforts pour comprendre. Ça, c'est min al-nasiha li kitabillah. Qala, wa tadabbur ayatihi wa du'a ou ilayhi. Kadalik, appelez les autres, appelez les gens à suivre hadha al-kitab. C'est kalamullah Azza wa Jal. Il n'y a aucune erreur, aucune contradiction. C'est les paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal. Qala wa dhabbu tahrif al-ghalin wa ta'n al-mulhidin an. Kadhalik, faire des efforts pour réfuter, pour montrer l'égarement de ceux qui critiquent hadha al-Qur'an, ceux qui déforment les sens, ceux qui prennent ce Qur'an, des versets de ce Qur'an pour propager, pour appuyer leurs égarements. Famina an-nasiha li hadha al-kitab. C'est que tu réfutes haoula et que tu montres la vérité, bien sûr, pour ceux qui ont les capacités. Troisièmement, وَالْمَصِحَةُ لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ. Naam, ça ressemble à ce qu'il a cité, rahimahullah, pour النَصِحَةُ لِلْكِتَابِ. Pour un rasoul, ça ressemble. أي الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله. Et avoir la conviction que Muhammad صلى الله عليه وسلم, c'est le dernier des prophètes. C'est le meilleur messager. Alayhi as-salatu wassalam. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu. L'aimer, le respecter. Bal mina al-iman al-kamil, c'est de l'aimer plus que nos propres enfants, bal plus que nous-mêmes. Alayhi as-salatu wassalam. Qala wa tamassuk bi ta'atihi wa ihya'u sunnati. Ça fait partie de nasiha. S'accrocher à sa sunna, suivre sa voie, ne pas faire passer la parole de quiconque, quel que soit son niveau et sa manzila, avant la parole, avant la voix du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et kadalik, faire revivre sa sunna. Certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wasallam nous a enseignées, dans certains endroits, ces choses elles sont oubliées. Enfin, on doit essayer de les faire revivre bi'ilm, en propageant avec science. Qala wa istitharatu ulumiha wa nashriha. نعم واستثاء علومها ونشرها نعم واستثارة علومها ونشرها كذلك propager sa sunna authentique ومعادات من عاداه وعاداها وموالات من والاه ووالاها كذلك aimer ceux qui aiment la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام aimer ceux qui aiment le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام les prendre pour alliés c'est nos frères on doit les aimer villah et suis-le le même chemin que la même voie que et détester ceux qui ne respectent pas hadha an-nabi ceux qui se moquent de notre prophète alayhi salatu wassalam les détester fillah même si ils font cela au nom d'une liberté au nom tout ça c'est min al-kufr wa al-dhalal une liberté qui pousse qui permet qui autorise à se moquer de la meilleure créature alayhi salatu wassalam n'ait aucun doute anna c'est de la mécréance. Ils appellent cela la liberté d'expression ou autre. Qala wa takhalluq bi akhlaqi. Kadhalik min an-nasiha lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le prendre pour modèle. Amma celui qui a un modèle autre que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa ma nasaha li rasulillah alayhi salatu wa sallam. At-ta'assi bih, que ça soit dans les comportements. Qala wa ta'addub bi adabihi wa mahabbatu alihi. Kadhalik, aimer ses proches, aimer sa famille alayhi salatu wassalam. Qala wa sahabatihi, aimer ses compagnons radiyallahu anhum. En commençant par al-khulafa al-arba'a et kadhalik tous les compagnons al-muhajiroun wal-ansar wa nahwi dhalik. Tout ça fait partie de al-nasiha lir-rasoul alayhi salatu wassalam. An-nasiha li-a'immati al-muslimin qal mu'awanatuhum ala al-haq. Et cette nasiha, c'est le thème de notre dars fi rawdati al-uqala, ay an-nasiha li al-muslimin. Conseiller tes frères croyants. Comment les conseiller? Mu'awanatuhum ala al-haq. Ça nous montre an-nasiha, c'est pas que la traduction que beaucoup de musulmans connaissent, ils se conseiller faqat avec la langue. Là, c'est plus vaste. C'est plus vaste, c'est pas que pour les croyants, كذلك سي بور لو ليفر دالله سي بور الله اكسيتيرا بور لو بروفيت عليه الصلاه والسلام لي بوين كون فيان دو فوا اي كذلك النصيحه للمؤمنين سي با كو لو كونساي افيك لا لونغ سي بلو فاست معاونتهم على الحق ايدي تون فرير في الحق وتعاونوا على البر والتقوى ساسي من النصيحه وطاعتهم فيه وتذكيرهم او انا نعم جي ميلانجي جو سوي باسي ديريكت لا النصيحه لائمه المسلمين نعم ابخي لعامه المسلمين ف اون ريفيا نعم حصل خلط انا ميلانجي انتر لي دو اون ريبيت والنصيحه لائمه المسلمين اي كونسيي لي غوفرنور مسلم Comme on vient de dire pour Nasihat al-Mu'minin, ce n'est pas qu'avec la langue, les conseillers, leur dire c'est mieux de faire telle chose ou il faut délaisser telle chose. C'est plus vaste. Mu'awanatuhum ala al-haq. Ay, s'entraider ma'ahum ala al-haq wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa. S'ils propagent du bien, fa nata'awan. S'ils font des efforts, fa on s'entraide ma'ahum. Avec du'a, en propageant le bien qu'ils font. Wa ta'atuhum fi. Leur obéir fi ta'atillah. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Donc obéir au gouverneur fi ta'atillah. Et ne pas leur obéir fi ma'asiyatillah. C'est pas min al-nasiha. Innama ta'a fi al-ma'ruf. Hakada qal nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance c'est fi al-ma'ruf, dans les choses convenables, pas dans les interdits. Qal wa tazkiruhum bih. Leur rappeler kadalik. Al-dhikra tanfa' al-mu'minin. Leur rappeler al-khayr. Leur rappeler le bien, les conseiller. قال وتنبيههم في رفق ولطف خاصة avec ولاة الأمور. أن النصيحة برفق ولطف avec douceur. بالتي هي أحسن en choisissant le bon moment, les bons mots. قال ومجانبة الوثوب عليهم. Ça c'est pas من النصيحة. Ça c'est من الضياع ومن الضلال. Et c'est من علامات أهل البدع comme on a vu dans l'autre cours concernant les gouverneurs le fait d'appeler à la révolte, d'appeler à la désobéissance, essayer de se rebeller contre eux, tout ça c'est pas min an-nasiha, bel ça fait partie de la voie des innovateurs. Qal wa du'a'u lahum bit-tawfiq, ça c'est min an-nasiha lahum. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les guide, pour qu'il leur facilite la tâche. فالمسؤوليه qu'ils ont elle est azima, ils ont une énorme responsabilité et des difficultés et les ennemis de l'islam ils les combattent laylan wa nahara. Nahnu nos gouverneurs c'est nos gouverneurs et c'est nos frères musulmans. فالواجب علينا c'est التعاون et النصيحه. قال وحث الاغيار على ذلك, كذلك propager هذا المعتقد, هذا المنهج السلفي الاصيل. Et comment se comporter avec les gouverneurs musulmans. Et l'imam Ibn Salah, rahimahullah, il a résumé هذا المنهج en deux lignes. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء. ثم قال والنصيحة لعامة المسلمين. Donc, عامة المسلمين, c'est autre que les gouverneurs. أي la masse. قال إرشادهم إلى مصالحهم. Leur montrer ce qui est profitable pour eux. فكم من مسلم à cause de l'ignorance, à cause des passions, ils sont aveuglés par l'argent, ربما des choses nuisibles pour eux et ils n'arrivent pas à se débarrasser de cette chose nuisible. فانت tu montres à ton frère ان هذا الشيء فيه مفاسد et cette chose فيها مصالح عظيمه et des énormes profits pour toi. Tu lui montres, tu essaies d'être une clé de bien pour lui. قال وتعليمهم امور دينهم ودنياهم. Ça c'est من النصيحه. Prendre du temps, surtout ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert les portes par rapport à talab al-ilm et ils ont acquis des connaissances, que ça soit fi al-Qur'an, que ça soit fi tawhid, que ça soit fi al-aqida. Ne pas oublier nos frères musulmans, donne du temps, encore plus si c'est des proches. Et ne néglige pas le khayr. Même si pour toi c'est pas grand chose, ça peut être la cause. An Allah Azza wa Jal yunjik yawm al-qiyamah. Ça peut être la cause qu'Allah te sauve yawm al-qiyamah. Kadalik, ça peut être la cause de guider une personne. Bi idnillahi jalla wa ala. فما دو با نيجليجي الخير ابدا. فالعلم سي كلكو شوز دو عظيم. فلو بروباجي سا بو اتر كو بروفيتابل. كذلك من النصيحه سي دو نو با ديباسي لي ليميت. Tu propages ce que tu connais et tu enseignes ce que tu as la capacité d'enseigner. Et Al-Muwaffaq, c'est celui qui sait s'arrêter. Al-Muwaffaq, c'est celui qui connaît ses limites. قال رحمه الله وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم. Préserver ton frère. Anna, si ton frère il a glissé, s'il a fait une chose et il n'y a aucun profit de propager, de dévoiler, فستر أخاك من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. Celui qui cache les défauts de son frère, Allah il lui cachera ses défauts يوم القيامة. قال وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Enfin, si ton frère il subit des injustices, il est attaqué par les ennemis de l'islam, par les ennemis de la sunna, fansur akhak. Avec les moyens que tu as. Aqal shay c'est avec du'a. Avec du'a, tu ne l'oublies pas dans tes invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le secourt. Qala wa dhab anhum. N'am, défendre les croyants. Khas satan. ذروة المؤمنين à notre époque أي أهل العلم c'est ورثة الأنبياء c'est les héritiers des prophètes. فكم من الناس يطعنون في العلماء ليلا ونهارا. النصيحة للمؤمنين c'est de ou من النصيحة plutôt c'est de défendre l'honneur de nos savants, propager le khair et mettre en garde contre ceux qui les détestent et qui mettent en garde contre eux. قال ومجانبة الغش والحسد لهم ça c'est من النصيحة pour tes frères. Ne pas jalouser ton frère. Que cette maladie الغش والحقد que certains ils ont dans le cœur, la jalousie, la rancune, la rancœur et la akhira, هذا ça fait beaucoup de mal et ça contredit النصيحة. بل tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Anta tu aimes la sécurité, tu aimes être à l'aise, tu aimes avoir de quoi subvenir à tes besoins, tu aimes la science. En fait, tu dois aimer ces choses pour ton frère. Et fadlullah subhanahu wa ta'ala wasi'. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il t'a donné, il peut donner à ton frère. Allah, il est capable de tout. قال وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. كذلك من النصيحة, c'est que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et tu détestes pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. T'aimes pas qu'on parle sur toi, t'aimes pas les problèmes, t'aimes pas la jalousie, t'aimes pas qu'on médise sur toi. Et là, Khalifa ne fait pas ces choses à ton frère. Hada kalamun jamil de l'imam Abu Amr ibn Salah rahmatullah alayh, que Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah, il a cité dans Jami' al-Ulum wal-Hikam l'explication du septième hadith ad-din an-nasiha walhamdulillah. قال الامام ابن حبان رحمه الله après avoir expliqué al hadith kalam mukhtasar qu'on vient de lire et mufid, on revient à la parole de Ibn Hibban dans Rawdat al-Uqala رحمه الله. قال الواجب على المرء لزوم النصيحه للمسلمين كافه وترك الخيانه لهم بالإضمار والقول والفعل معا. Ça nous montre أن النصيحة, qu'on vient de citer brefement من كلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. Le contraire de النصيحة c'est الخيانة, أي avoir de la traîtrise envers son frère, le trahir. تقدم معنا أن النصيحة c'est de l'aider, le secourir, vouloir son bien, etc. ضد ذلك c'est pas من النصيحة بل c'est من الخيانة. Trahir son frère, parler sur lui, vouloir son mal, ne pas le secourir, le laisser alors qu'on a la capacité, tout ça c'est haram. قال إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم كما في حديث جرير رضي الله عنه في الصحيحين أنه il a informé أنه quand il faisait bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prêtait allégeance, il prêtait allégeance de faire la salat, de donner la zakat et de conseiller chaque musulman. Et ta'lamoun anna ces conditions avant le bay'a, avant le pacte d'allégeance, voilà, chacun a c'était des choses azim, des points très très importants. قال وحدثني محمد بن ابي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن ابي السائب قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تعمل بالخديعه فانها خلق اللئام وامحض اخاك النصيحه. نعم الخديعه لاخيك المؤمن, ne pas lui vouloir du bien, le trahir, le critiquer, le délaisser quand il a besoin d'aide. Tout ça, c'est min al-khadi'a. Fa la ta'mal bil khadi'a. Ne trahis pas ton frère. Fa innaha khuluq al-li'am. Tadkurun, on avait vu un chapitre sur al-la'im. Le contraire de al-karim, al-khayr, al-aqil. Ça fait partie du comportement de ha'oula al-mufsidoun. Qal wa mhad akhaka al-nasiha. Aïe, bi ikhlas lillah. Et pas avec un double visage. Tu sois véridique financière. On doit bien comprendre ce sujet. Ce qui nous lie entre croyants, c'est le mahabba. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le suivi de ce prophète Mohammed alayhi salatu salam. On ne doit pas prendre cela à la légère. C'est des liens très très forts. Ces liens, c'est une cause pour être préservé du châtiment yawm al-qiyamah. Et ces liens, c'est une cause pour rentrer fil Jannah. Dans plusieurs hadiths, les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, de croyants qui se sont aimés villah et se sont séparés à la dalle, comme min adillah. Enfin, on doit donner de l'importance à ces liens et tout faire pour ne pas les rompre. Fa innaha qala khuluq al-li'am wa mhad akhak an-nasiha. Et pour préserver ces liens, an-nasiha, le conseil entre nous. قال حسنة كانت قبيحة وزل معه حيث زال إلى آخر ما قال. ثم قال رحمه الله خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة كما أن خير الأعمال أجملها عاقبة وأحسنها إخلاصا وضرب الناصح خير من تحية الشانئ. كلام جميل. أن خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة. Le frère qui tient le plus à toi et qui te donne le plus d'importance et qui t'aime vraiment, c'est le frère qui te conseille. Léna, s'il te conseille, il veut ton bien. S'il te conseille, il veut que tu t'améliores. S'il te conseille, c'est qu'il a peur pour toi. فَلِهَذَا قَالَ وَضَرْبُ النَّاصِحِ خَيْرٌ مِنْ تَحِيَّةِ الشَّانِ. Un nasih, c'est celui qui conseille. Al-Shani, c'est celui qui ne t'aime pas, qui te déteste, qui ne veut pas ton bien, etc. Fadharbun Nasih, c'est un Nasih, il te frappe, c'est une image. S'il te frappe, c'est mieux que Tahiyyatou. Tahiyyatou, c'est les salutations. C'est mieux que les salutations de celui qui te déteste. L'imam d'Ali Anna, celui qui te déteste, vu qu'il ne veut pas ton bien, il va te faire apparaître les choses que tu veux. Et ce n'est pas sincère, ce n'est pas véridique. Un sourire, une bonne parole, etc. Comment tu vas? Et fi qalbihi rubama il te déteste. Et même s'ils vont un défaut, vu qu'ils ne t'aiment pas, ça ne le dérange en rien. Enfin, il ne conseille pas. Sauf s'il a un profit. Amma an-nasih la. An-nasih, il pense à toi en tant que frère mu'min. Il veut que tu t'améliores. Il veut que tu délaisses cette chose. Il craint pour toi le châtiment. C'est pour ça que mitla. On doit les respecter, ceux qui conseillent. On doit les respecter, on doit les aimer fillah. On doit être reconnaissant. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité un mithal jamil qu'on a déjà cité dans plusieurs durous et qu'on répète ici les munasaba. Qala rahimahullah ta'ala, kama fi majmou' al-fatawa, al-mu'min lil-mu'min kaliyadayn. Les croyants, ils sont comparables à deux mains. Toi et ton frère. Toi, tu es une main et ton frère, c'est l'autre main. قال تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. Ces deux mains, une parmi elles, une parmi ces deux mains, elle est sale. Donc elle a besoin d'un nettoyage. Enfin, l'autre main, elle va la nettoyer. Elle va frotter. Et pour enlever al-wasakh, pour enlever la saleté, ahyanan, il faut appuyer. Il faut frotter assez fort. Qala illa bi nou' min al-khushuna. Cette khushuna, cette dureté, ça peut provoquer une douleur. Ben, ça peut faire rougir la peau. Et ça demande chez min al-sabr. فَهَكَذَا نَصِيحَةُ أَخِيكَ. Même si c'est une nasiha qui est assez ferme. أحيانًا الأخ tellement qu'il aime son frère et ça le touche ce qu'il a fait, il peut employer certains mots, un ton في شيء من الخشونة, un peu de dureté, un peu de fermeté. مع أن الأصل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن la base c'est الرفق, la douceur والكلام الحسن. لكن النصيحة, il y a deux personnes. Il y a celui qui conseille et celui qui est conseillé. Celui qui conseille, à la kulli hal, il doit faire des efforts pour être doux. Lakin, celui qui est conseillé, et huna, on comprendra l'importance de cet exemple que Cheikhoul Islam il a cité. Même si ton frère il manque de tact, même si ton frère Ahyanan est au conseil, il aurait pu être plus doux. Lakin, il a dit ce qu'il a dit. Obama, il était énervé. Mouhim, anta profite de son conseil. Comme un docteur qui veut te soigner, même s'il appuie, même s'il te fait du mal, c'est pour ton bien. Fahakada ton frère. On fait attention de ne pas rejeter le nasiha. Limada l'anna fulan, il m'a dit, il a parlé, il a dit telle chose, il a haussé le ton. Ya akhi, regarde al-khayr. Si ça l'a mis dans cet état, c'est qu'il veut ton bien. On le répète, ma anna al-jami'. Ils doivent se maîtriser. Qala Cheikhoul Islam. لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. هكذا أهل العلم donnent ces exemples pour nous faciliter. Même si le fait de frotter cette main durement pour enlever cette saleté, même si ça fait rougir la peau, il y a une certaine douleur, لكن à la fin, Alhamdulillah, tu es satisfait, ta main, elle est propre. Ahakada ton frère. Ton frère, il veut que tu sois propre, qui te conseille. Il ne veut pas que tu sois sali par al-bid'a, par l'innovation. Il ne veut pas que tu sois sali par un péché. Il ne veut pas que tu sois accusé. Il ne veut pas que tu te fasses châtier. Même si son kalam fi shay min al-khushuna, il est assez ferme. Prends la vérité qu'il dit, c'est ton frère. Et alhamdulillah, ça te sera extrêmement profitable. Elle m'a rejeté le nasiha, même si c'est la vérité, parce que un tel, il a une façon de parler ou de dire les choses qui sont assez fermes. Enfin, ça c'est pas minat tawfiq. Là, et on se conseille tous, on le répète, bi rifq wa al hikma. Amma nasihatu al walid li waladih, ou nasihatu al rajul li ahlih. Vu que dans ce cas, l'homme il a une responsabilité. فأحياناً, il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté pour faire comprendre les choses. Ça, c'est al-hikma. أحياناً de la douceur, أحياناً de la fermeté. لكن, avec عمت الناس, probablement une personne que tu ne connais pas, فالأصل c'est الرفق. لماذا لأن tu n'es pas responsable de lui. Et c'est un étranger pour toi, ففي هذا الحال, vu que le but, c'est de le rapprocher, vu que le but, c'est de lui faire parvenir cette vérité, on met tout les possibilités de notre côté pour lui faire accepter cette vérité. Et là, chacun a rifq, la douceur, c'est un sabab azim, c'est une énorme cause pour que les gens ils acceptent, walhamdulillah. Intaha kalam al-imam Ibn Taymiyyah. Qala rahimahullah, wa yajib an yakun lil'aqil nasihatun mabdhula lil'am maktumun min al'am wal-khas ma qadra alayh wa laysa an-nasih bi awla bin-nasiha min al-mansuh lah. Kadhalik, huna il a fait une remarque importante. On doit ressentir cette responsabilité. Al-Nasiha, ce n'est pas que les savants qui doivent la faire. Al-Nasiha, ce n'est pas que celui qui donne des cours. Ce n'est pas que le professeur. Ce n'est pas que l'étudiant. Ce n'est pas que le shir. Al-Nasiha, c'est une responsabilité pour chaque musulman. Chacun a sa place. C'est une obligation pour tout le monde d'avoir une part. Une part de nasiha. Maintenant, tu vois quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, tu vois quelqu'un qui ne fait pas salat. Enfin, alhamdoulilah, tu sais que ces choses, c'est, c'est interdit ou ces choses, maintenant la salat c'est obligatoire et il la délaisse, ففي هذا الحال انصح انصح بالتي هي احسن انصح بعلم et on conseille à nos frères s'ils veulent conseiller un proche ou autre de se préparer. Maintenant tu veux le conseiller sur la salat, fais prépare-toi. Khastan, si tu le connais, tu sais que tu peux le revoir. Si c'est un proche, prépare-toi. Des ayats min kitabillah, azza wa jal, sur l'importance de la salat. Tu apprends un ou deux versets. Kadalik, un hadith ou deux du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam sur le danger, la gravité de délaisser la salat. Naam, si tu peux lui montrer la gravité du châtiment yawm al-qiyam avec des ayats. Limadha li anna al-muslim, il est beaucoup plus touché quand il entend des versets du Coran Karim et des hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui montres que ce n'est pas ta parole. Tu lui montres que toi, tu lui veux son bien et tu le conseilles pour son avenir, le véritable avenir, et après la mort. Et tout ça avec Adil. Donc, se préparer, c'est muhim. Dans certains cas, et khasatan, quand c'est une mas'ala, muhim. Qala, rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir, qala haddathana ibn Abi Shaybah, قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى ابن المختار عن الحسن قال إن المؤمن شعبة من المؤمن وهو مرآة أخيه إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر ونصحه في السر والعلانية. كلام جميل ده الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. إِنَّ الْمُؤْمِنَ شُعْبَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنَ. Si on arrive, si on fait des efforts pour arriver à atteindre ce niveau, tu ressens que ton frère mu'min c'est une partie de toi. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ كَالْبُنِيَانِ وَالشَّبَكَ بَيْنَ أَصَّابِعِهِ عَلَيْهِ صَلَى السَّلَامِ. Le mu'min et son frère mu'min et un autre mu'min, on forme tous une construction. Enfin, on est tous liés. Comme les briques, elles sont liées entre elles pour une construction. فَقَالَ الْمُؤْمِنُ شُعْبَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ. Si tu ressens que ton frère mu'min, c'est une partie de toi, فَلَا شَكْ أَنَّ, tu vas faire attention à lui. S'il est attristé, ça va te toucher. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ. نعم. إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Si le mu'min il est touché par une chose, c'est comme le corps, si une partie elle est touchée, tout le corps il souffre. Hakada entre mu'min. Si on ressent hada, si tu vois quelque chose sur ton frère, tu vas le conseiller. Un manquement. Il fait du haram. Il a des manquements dans ses responsabilités. C'est wajib. Mais celui qui pense qu'à lui. Ils n'ont aucun lien avec l'umma. Il s'est marié, il a des enfants. Ça ne dépasse pas sa maison. Tout ce qui touche la umma, tout ce qui touche les frères, tout ce qui touche la propagation de din al-azim. Avec les problèmes qui touchent certains musulmans, il n'est pas concerné. هَذَا قَدْ يُبْتَلَى. On doit faire attention. هَذَا قَدْ يُبْتَلَى. Allah, il peut l'éprouver. Il est égoïste, il pense qu'à lui. Il peut l'éprouver avec une chose. Et il aura besoin de ses frères. بَعْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. On est une communauté. Et tes frères, ils ont des حقوق عليك. مِنَ الحقوق مَثَلًا. Bien sûr, النَّصِيحَة. Et si ton malade, tu lui rends visite. Ils sont plus concernés. Voilà, c'est là son petit travail, il a sa famille. Il est plus concerné. Celui qui tombe malade, il tombe malade. La ziyara. Celui qui a besoin d'une nasiha, pas de nasiha. Ça, c'est pas min sunnat al-Nabi alayhi salam. Le mu'min, il a des hukouk même après sa mort. Il meurt. Enfin, bien sûr, celui qui en a la capacité, on assiste à sa genèse jusqu'à ce qu'on l'enterre. هكذا une umma unie. أما كل واحد يبنس à lui et on néglige ces points, c'est ce qui nous affaiblit. C'est ce qui nous affaiblit كثيرا. المؤمن il est قوي مع إخوانه. On doit bien comprendre هذا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette ni'ma. Et le mu'min, il est fort avec ses frères. Un mu'min qui s'isole alors qu'il n'y a aucune raison de s'isoler. Et le khil, il est encore propagé. Et des frères de qualité sont encore présents. Ça peut lui faire beaucoup de mal. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم le loup il s'attaque à la brebis égarée. Ça, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité ce hadith pour montrer la gravité de ceux qui s'écartent de la jama'a et qui s'isolent. ربما هؤلاء se font attaquer par الشيطان, par les alliés de الشيطان, avec des ambiguïtés, avec des choses, حتى ils se font beaucoup de mal. Comme la brebis qui s'égare, qui s'éloigne du troupeau, elle peut se faire attaquer par une bête féroce. قال وهو مرأة أخي. على كذلك un autre mithal بليغ. بل c'est fondé sur le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Rapporté par Anas رضي الله عنه. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه أو مرآة المؤمن. الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود et dans d'autres livres. المؤمن مرآة المؤمن. الحسن رحمه الله il a dit وهو مرآة أخيه en se basant sur ce hadith. Ça veut dire quoi هذا؟ المرآة c'est un miroir. فالمؤمن c'est un miroir pour son frère. Et le miroir, il a beaucoup d'utilité pour l'être humain. Parmi les utilités, pourquoi on utilise plutôt un miroir, c'est pour regarder si tu n'as pas un aïb sur toi. Avant de sortir, tu te regardes dans la glace, l'imada, peut-être que tu as quelque chose. Tu as mangé, peut-être que il te reste des restes sur ta bouche, sur ta barbe. Il a un. Toi, le miroir, tu l'utilises pour enlever hadha al-aïb. Va hakada ton frère. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cet exemple pour te montrer que ton frère, c'est comme un miroir. Ton frère, il va te montrer tes défauts pour ton bien. Est-ce que Wahed, il accuse le miroir parce qu'il a quelque chose de haïb sur lui? Abadan. Ah, qu'est-ce que ton frère, s'il te montre, c'est comme un miroir. Prends ton frère comme un miroir. Anna, il t'a conseillé, il t'a montré, tu dis Alhamdulillah. Kadhalik, n'oubliez pas, Anna, le miroir, quand tu te regardes, en général, tu es seul face au miroir. Ce défaut, cette chose, tu l'enlèves et personne ne te voit. Maintenant, si le miroir il est dans la salle de bain, en général, tu es tout seul. Hakada ton frère, c'est comme un miroir. Et ce défaut qu'il a vu, il n'y a que lui qui l'a vu. Il te conseille pour pas que les autres ils te voient à la hadhihi al-hala. C'est une ni'ma azima. Akhun mu'min, nasihun. Un frère croyant qui te conseille. C'est une ni'ma azima, akhi al-karim, qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas suivre nos sentiments et notre nefs. Personne ne doit rien nous dire, personne ne doit nous critiquer, personne ne doit nous parler. Là, ce n'est pas ça la solution. Plus les gens ils te montrent, plus, alhamdoulilah, c'est un moyen de te réformer, de te corriger avant la mort. قال إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه. C'est l'explication de « وَهُوَ مِرْآتُ أَخِي ». Et si son frère, il voit quelque chose, et ce frère, il voit quelque chose sur son autre frère, mu'min, لَا يُعْجِبُ, quelque chose qui fait du mal à son honneur, quelque chose qui fait du mal à son image, encore plus important, quelque chose qui fait du mal à son din, enfin, il le corrige. Et il lui montre « Ya Akhi, délaisse cette chose. Ya Akhi, ne dis pas tel mot. Ya Akhi, ne fais pas cette chose. Ya Akhi, fais cette chose, c'est pour ton bien. » قَالَ وَنَصَحَهُ فِي السِّرْ ou l'alaniya. Il le conseille fait sur, en privé, et kadalik fil alaniya, si il y a un besoin. Tayati ma'ana mas'alat al-sir wa l'alaniya, incha'Allah, avant la fin du cours. Thumma qala Abu Hatim rahimahullah, al-nasihatu manoutatun bit-tuhma, wa laysat al-nasihatu illa liman qabilaha, kama anna al-dunya laysat illa liman tarakaha, wala al-akhira illa liman talabaha, وليس على كل ذي نصح إلا الجهد. هنا il a fait un tambih أن النصيحة c'est pour celui qui l'accepte. Et c'est profitable pour celui qui l'accepte. لكن même si quelqu'un n'accepte pas, ou on pense qu'il n'acceptera pas, فالحقيقة on ne doit pas délaisser le nasiha à cause de cela. Que من الناس ne conseille pas, les ماذا ils disent, il accepte pas. وما يدرك الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. Allah il guide qui il veut. Combien de gens, peut-être dans ton entourage, ils ont été guidés, si tu réfléchis, tu n'aurais jamais pensé qu'ils deviendraient des croyants. Les bourdihim aniddi, tellement qu'ils étaient loin. Allah il guide qui il veut. Conseiller, il y a des fawa'id. Ahyanan le shaitan nous fait croire, mais il n'acceptera pas. Oh, mais un tel, il lui a déjà parlé. Tu sais pas. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هكذا قال الله عز وجل conseil, fais le rappel il profite aux croyants. Peut-être qu'il n'a pas accepté le premier jour, il avait une excuse, oh il avait des faiblesses. Peut-être que celui qui l'a conseillé n'a pas réussi à trouver les bons mots. أنت, peut-être que tu vas parler avec les bons mots dans le bon moment. Peut-être que tu vas faire la même nasiha que ton frère, peut-être moins bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les hikmatin, azim, il a décidé de guider cet homme. Et toi, tu es la cause, profites-en. Waddalu ala al-khayr kafa'ilih, tu as une énorme récompense. Celui qui montre le bien, il a la même récompense que celui qui applique ce bien. Enfin, ne te prive pas, c'est shaitan qui veut nous priver. Fais nasiha, qu'est-ce que tu perds? Kadalik, et ça c'est important, en tant que nasih, en tant que une personne qui va conseiller, c'est pas une condition, je conseille que s'il y a un résultat. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Enfin, le conseil c'est une chose, et la guider c'est autre chose. Enfin, la guider c'est biyadillah. Hidayatu al-tawfiq. Hidayat al-qaboul, le fait d'accepter, ça c'est biyadillah. Nous conseillons. Amma, s'il accepte, c'est un énorme bien. S'il n'accepte pas, est-ce que tu n'es pas récompensé? On conseille celui qui accepte. Alhamdulillah, celui qui n'accepte pas. Tu as appliqué al-ibad al-azima, le fait de conseiller. En tant que nasih, c'est important de se rappeler. Là, c'est des récompenses très très profitables. Et dans certains cas, très très simples. Une kalima, un conseil, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense avec énormément de hasanat. Enfin, on doit penser à ça. Conseiller, s'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, enfin, nous, au moins, on a fait al-wajib. Qala, rahimahullah, wa laysa ala kulli dhi nusan illa al-jahd. Hada alladhi taqadlam. Nous, on fait cet effort. On montre. Wa illa al-hidayah. Le fait qu'il accepte un nasiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui le veut. قال ومن لم يقبل من نصائحه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه. Ça c'est pas à l'étlaq. Et le fait que s'il accepte pas, on s'écarte de lui, on le conseille pas. Ça c'est du cas par cas, ça dépend. S'il accepte vraiment pas et il a un mauvais comportement, il peut faire du mal au nasih. Et il est connu pour sharrihi wa ghayyihi wa zulmihi. Si c'est un sharrir, on s'écarte de l'ashrar. Lakin, si c'est un mu'min et on sent qu'il y a encore du bien, walillahi alhamd, son cas il n'est pas désespéré, celui qui conseille il est à la khayr. قال ومن بذل نصيحته لمن لا يشكره كان كالباذر في السباخ وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة في المعجب برأيه. أما من قوله ومن بذل نصيحته لمن لا يشكره, celui qui fait النصيحة et celui qui reçoit le conseil, il n'est pas reconnaissant envers lui. S'il n'est pas reconnaissant, l'essentiel c'est de conseiller pour Allah Azza wa Jalla. On essaye de conseiller, on recherche la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Taala, pas le remerciement d'un tel ou. هذا أولا. ثانيا واكثر ما يوجد ترك قبول النصيحه في المعجب برايه. نعم, كثير من هؤلاء كن اكسبت با النصيحه يوندمد الله سبحانه وتعالى التواضع على مودستي كن فاسيليت كون اكسبت لو كونساي دو نو فرير. الناس كن اكسبت با ان جينيرال سي هؤلاء. قال المعجب برايه, بعض الناس يبونس تو سافوار اي زون اون تري تري اوت استيم دو ميم. Ils pensent qu'il n'y a que qu'on compris et que les autres, ils n'ont pas compris. Ha'oula, ils se font beaucoup de mal. Ha'oula, tellement qu'ils prennent les autres de haut, فكثيرا يغجت النصيحة. En fais attention. Et là, écoute ton frère. Même si tu as plus de science que lui. Même si tu es plus âgé que lui. Même si tu es plus ancien que lui, fait da'wah, etc. Écoute. Rabbam Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé. Allah, il lui a facilité pour qu'il te montre. C'est une rahma, c'est une ni'ma. Va profite-en. Écoute. Il se trompe contre lui. Il a la vérité. Va accepter et sois reconnaissant envers ton frère. ثم قال رحمه الله النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل ولكن إيداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا. Ça c'est la base. النصيحة on doit conseiller tout le monde. لكن la base c'est que c'est سرا. أي entre toi et le منصوح. النصيح والمنصوح. C'est une نصيحة si ça regarde que le منصوح. Et cette chose, elle n'est pas liée aux autres. Il n'y a aucune haja de le conseiller devant tout le monde. Ben, le fait de le conseiller devant tout le monde, ça peut être un obstacle entre lui et le Kaboul. En d'autres mots, ça peut être la cause qui rejette un nasiha. قال لأن من وعظ أخا علانية فقد شانه ومن وعظه سرا فقد زانه. Celui qui conseille son frère en public, فقد شانه. Shana, c'est le contraire de Zana. Zana, il l'a embelli. Shana, c'est le contraire. Madri, comment ils traduisent en français? Wa la'allahu, c'est me feront. Si tu veux que ton frère il accepte et mette toutes les causes de ton côté pour qu'il accepte, fa sirran. L'imam d'Aliyana, l'être humain, il est hakada. Il n'aime pas que les autres ils soient informés de telle et telle chose. Fa l'imam d'a dire en public alors qu'il y a. Aucune haja, aucune raison. قال ومن وعظه سرا فقد زان. Aïe, tu as fait les causes pour que ce muslim il accepte. قال فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. نعم. Et vu qu'on est tous d'accord que le fait de le conseiller sans divulguer ses manquements devant tout le monde. On répète, s'il n'y a aucune haja, bien sûr, il n'y a aucun profit de parler devant tout le monde. Enfin, si c'est une cause pour qu'il accepte, on doit appliquer ces causes. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ce mu'min, il accepte la vérité. Quand on conseille quelqu'un, c'est quoi le but? Le but, c'est qu'il accepte la vérité. Et le conseil, c'est une ibada. Enfin, celui que conseille, en même temps, il espère la récompense. Enfin, pour avoir la récompense, il faut être sincère. Enfin, sois sincère quand tu conseilles. Pour que ce mu'min, il accepte, il y a des causes. Parler avec science. Avec hikma, avec sagesse, avec douceur. Et kadalik, s'il n'y a pas de haja, il n'y a pas de raison pour que ça soit en public, fa baynaka wa bayna. S'il est dans une assemblée, fa, tu l'appelles. Si il y a du monde et vous ne pouvez pas être que toi et lui, fa un message où tu lui parles, tu lui dis, il faut que je te voie plus tard. Alhamdulillah. Thumma, quand tu es ma'a, fa, tu le conseilles. بعلم وبالتي هي أحسن. قال ولقد حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الرمادي أو الرمادي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال قلت لمسعر تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ فسفيان قال قلت لمسعر. donc سفيان il a dit à مسعر تحب أن يخبرك الرجل بعيوبك. Il a dit, est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'informe de tes عيوب, tes manquements, tes péchés, tes défauts? قال أما أن يدي إنسان فيوبخني نعم فيوبخني بها فلا وأما أن يدي ناصح فنعم. أما si c'est pour me salir devant tout le monde, me dénigrer, me rabaisser, فلا. Le mu'min, il a un honneur, il a une dignité. N'accepte pas ça. Amma si c'est min bab an-nasiha fa alhamdulillah. Qala, il a rapporté ba'da dhalik 'an Ibn al-Mubarak, qala kana ar-rajul idha ra'a min akhihi ma yakrah amarahu fi sitrin. Dans une nuskha fi sitrin. Wa nahahu fi sitr. فيؤجر في ستره أو في ستره ويؤجر في نهيه. أما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. Ibn al-Mubarak, il a rapporté un salaf, quand il voyait un manquement, عند أخيهم, ou un défaut, ou il a fait une chose qu'il ne devait pas faire, فنهو, il conseillait un délaisse cette chose. Enfin, ils préservaient leur frère et ils le conseillaient pas en public, entre eux. Donc ils ont fait le wajib et ils ont préservé leur frère. Ça, c'est à l'époque d'Ibn al-Mubarak. Zaman al-Khayr. Wa al-Salah, wa al-Ilm, wa al-Huda. À notre époque, là, chacun a la situation, elle s'est détériorée. Diddan, qala fa amma al-yawm fa idha ra'a ahadun min ahadin ma yakrah. À son époque, si quelqu'un voit une chose en son frère, il met en colère son frère. Et il applique la mauvaise méthode. Au lieu d'améliorer les choses, ils font qu'empirer. C'est que du mal et ça écarte les autres. Pourquoi ? C'est une ibadah. Et pour qu'une ibadah soit profitable, il faut être sincère. Il faut parler du ilm. Il faut avoir le comportement pour que هذا الأخ il accepte. قال فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك السترة. Ça, c'est une des causes que ce frère il se mettra en colère. هتك السترة, il dévoile ses péchés. Alors qu'il n'y avait aucune haja. Alors que ce frère il était prêt à écouter. Maintenant, s'il patienterait, il ne se précipiterait pas. Le frère, il est prêt à écouter. Et il accepte la vérité. Il va lui parler devant tout le monde. Même si c'est la vérité, il va te reprocher. Mais pourquoi tu vas parler devant tout le monde? Pourquoi tu n'as pas attendu? Fais attention. Si c'est l'Illahi Azza wa Jal, la voix des salafs, c'est هذا. Comme Naqala ibn al-Mubarak et Soufyan et d'autres. Alayhim rahmatullah. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, il a un kalam jamil. Jami al-Ulum wal-Hikam, on n'a pas le temps de le lire. Enfin, si on veut la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on doit suivre la voie des salafs. Ils étaient a'lam minna, ils voulaient le bien plus que nous. Ils avaient un meilleur comportement que nous, c'est incomparable. Enfin, tu as entendu la façon dont comment ils conseillaient leurs frères. Thumma qala rahimahullah, haddathani محمد ابن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد ابن منصور قال حدثني علي ابن المديني عن سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار ابن وائل وعنده قوم وما إلى سيدة cet exemple أن طلحة il est venu voir عبد الجبار ابن وائل وعنده قوم il avait une نصيحة à lui faire et il y avait du monde. فسره بالشيء ثم انصرف. فسره, ça vient de السر, le chapitre qu'on a vu dans le dernier cours. حفظ السر, il lui a parlé dans son oreille. أي بينه وبينه, personne n'a entendu. ثم انصرف, et il est parti. Il avait une nasiha à lui faire. Il y avait des gens, il n'a pas parlé devant tout le monde. Abadan. Vu que cette chose, elle regardait que ce croyant. Ça ne regarde pas les autres. Contrairement à s'il y a un besoin, comme ça y est, ati at-tambi. S'il y a besoin de faire une mansiha en public, on fait une mansiha en public. Lakin, s'il n'y a pas de besoin, enfin pourquoi? Ça peut faire que du mal à ce frère. Ça peut pousser Shaitan à écarter ce frère. Il se met en colère, il pense que tu ne le respectes pas, il pense que tu veux son mal, il pense que tu veux salir son image. Et Shaitan, il en profite. On ferme les portes. Et on laisse هذا الباب مفتوح باب النصيحة entre toi et ton frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? فقال أتدرون ما قال لي. انظروا. Il l'a conseillé en secret. لكن tellement que النصيحة elle est faite برفق, avec douceur, avec science, sans dévoiler. Lui-même, il a raconté aux autres. قال أتدرون ما قال لي. Vous savez qu'est-ce qu'il vient de me dire? قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. Il l'a vu en train de faire la salat et il regardait à droite et à gauche. Il lui a fait une nasiha. أن من الآداب في الصلاة, c'est de se concentrer, de ne pas regarder à droite à gauche. Et كذلك de ne pas faire de mouvements inutiles. فنصح. بينه وبينها الحمد لله من ثمرة عظيمة أنه إلى أكسبتي هكذا ils étaient entre eux. لكن pour pouvoir appliquer هذا facilement c'est tout ce qu'on a cité auparavant. Si المحبة لقوية et tu conseilles ton frère parce que tu veux le bien pour ton frère, tu feras tout pour t'écarter des choses qui peuvent pousser à cette rupture entre toi et ton frère. قال أبو حاتم رحمه الله النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة. Si la nasiha est appliquée comme il a cité l'imam Nuhibban rahimahullah, c'est une cause pour renforcer les liens. C'est une cause pour que ton frère t'aime encore plus. لماذا لأن tu l'as conseillé لا شك أنه ça va le toucher. Si واحد te montre الطريق مثلا tu t'es perdu. Et si واحد il te montre, ça c'est une nasiha, nasahak, il t'a montré at-tariq, wajjahak. Maintenant, il te dit, si tu veux aller dans tel endroit, tu dois prendre telle route, etc. Voilà, chacun, tu vas être reconnaissant. Et tu vas apprécier. Pourquoi? Parce qu'il t'aide. Ah, kada celui qui te montre pour ton din, c'est Ardam, c'est incomparable. Même si personne ne te conseille pour la route, tu vas chercher, hatta tu vas trouver. Et il n'y a pas un darar kabir, alayk. Mais celui qui te montre, fais attention à cette bid'a. Écarte-toi de cet égaré. Fais attention à cette chose. Fais telle chose. C'est pour ça qu'Ibn Hibban a cité ce comportement fi rawdat al-uqala. Al-uqala, ils aiment le bien, ils aiment ceux qui leur montrent ce bien. قال وعلامة النصح إذا أراد زينة المنصوح له أن ينصحه سرا. Parmi les caractéristiques du nasih qui veut le bien pour les autres, c'est que si la nasiha ne regarde que ce frère, il conseille ce frère. On n'a pas besoin de faire ce conseil devant tout le monde et tout le monde entend. قال وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. Mais celui qui veut rabaisser ce frère, salir son image, il le conseille devant tout le monde. Et كأنه il veut montrer à ce frère il a des manquements, il fait telle chose, va écouter. Son but c'est plus que ce frère il écoute et qu'il accepte. Vous avez remarqué la différence? أما entre toi et lui, là chacun a ses une علامة, tu veux son bien. Il y en a, c'est entre toi et lui. Tu veux qu'il accepte. Mais si c'est pour tout le monde, ça peut ouvrir cette porte. Si c'est devant tout le monde, plutôt, ça peut ouvrir cette porte. Il y en a, le frère, il peut dire, mais pourquoi tu parles devant tout le monde? Ça me regarde moi, conseille-moi, alhamdoulilah, j'accepte et on n'en parle plus. قال فليحذر العاقل نصيحة الأعداء في السر والعلانية. انتهى هذا الباب الجميل المفيد. On peut citer quelques notions importantes. Des points muhim concernant al-nasiha. Et c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. Wa billahi tawfiq. Awwalan min al-umur al-muhimma, si tu veux conseiller akhi al-karim, al-ikhlas, la sincérité. Al-nasiha c'est une ibadah. Al-muslim c'est pas un journaliste quand il conseille. C'est pas des informations faqat que tu propages. C'est pas pour te montrer. لا النصيحة سن عبادة صدوت لله الدين النصيحة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة سي لا religion. فسي tu conseilles tu dois parler en étant sincère et véridique. فهذا أولا. ثانيا العلم بما ينصح به الناصح. Tu dois être على علم لأن كم من الناس يconseille et ça part d'une bonne intention, mais à cause de l'ignorance, c'est eux qui ont besoin de conseils. Matalan, ils disent à un tel, je t'ai vu faire telle chose, et tu devrais pas. Alors que cette chose, elle est légiférée. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu salam, et c'est une sunna. Mais à cause de son ignorance, si tu veux conseiller, tu dois savoir pourquoi. Je vais le conseiller, cette chose, c'est pas bien. Mais est-ce que c'est vraiment pas bien? Et si tu ne sais pas, tu demandes avant de conseiller. Al-ilmu bima yansahu bihi al-nasih. Et taqaddam ma'ana cette mas'ala kathiran. Al-imam al-Bukhari rahimahullah, il a cité un bab fi al-sahih, bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'daiman, la première étape c'est l'ilm. Tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm. Tu veux apprendre ta aqida, al-ilm. Tu veux connaître ma'ana la ilaha illallah, al-ilm. Tu veux apprendre la salat, al-ilm. Tu veux conseiller, al-ilm. Daiman, c'est la première étape. Thalithan, mura'atu al-rifq fi al-nasiha. La douceur, c'est ça la base. Khassatan, anna ba'da al-nas, ils ont des difficultés. Ils font cette chose que maintenant cette chose tu veux le conseiller de ne plus faire depuis un moment il peut penser que c'est la vérité, c'est ses parents qui lui ont inculqué cette chose, peut-être qu'il a entendu certaines choses qui le poussent à faire, il a des ambiguïtés, il a si l'insan il se précipite et il parle avec un mauvais comportement, ربما هذا الانسان نعم ça l'appuie dans son erreur et il pense qu'il a raison. الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الرفق la douceur, quand tu la mets dans une chose ça embellit la chose. Si tu veux embellir ton conseil, deux choses, trois choses qu'on vient de citer, la sincérité, tu sois véridique, العلم, tu parles بعلم, et la douceur, tout ça ولله الحمد c'est des causes pour هذا المؤمن il accepte. Quatrième point, وتقدم لا تترك النصيحة بحجة أن فلان ما سيقبل. Fais attention de cette choubha. Et je conseille pas, je parle pas parce que ils lui ont déjà dit, il veut pas écouter. ومن هذا الكلام. Voilà, conseille. Sauf bien sûr dans certains cas, un mu'an et d'un shirri, il fait que du mal. Et l'ikhwa jarrabou ma'ah, il veut vraiment pas accepter. À un moment donné, bien sûr que les gens ils ne le conseilleront plus. Lakin ahyanan cette porte elle est ouverte trop rapidement. Bal ahyanan tu trouves ce musulman il n'a jamais été conseillé. Lakin al-ba'd il pense. L'insan il fait attention à sa pensée via d'al-hal. Là on n'a pas besoin de cela. Là on conseille, il accepte. Alhamdulillah il accepte pas, ça nous fait aucun mal. Bal celui qui a conseillé il a énormément de hasanat. Khamisan الأصل أن النصيحة تكون سرا كما تقدم. La base c'est que النصيحة c'est سرا. C'est pas devant tout le monde, c'est pas en public. Ce mu'min il a fait une chose, enfin on le conseille سرا. On a précisé هنا الأصل. Pourquoi? لأن عند الحاجة يجوز النصح العلني. Dans certains cas c'est permis de conseiller en public. On parle pas du sujet des gouverneurs. Les gouverneurs, la voie des salafs, c'est de conseiller al-hakim sirran. Le gouverneur, il a une place à part. Et le conseiller en public, ça peut causer énormément de dégâts et de mafasid. Lakin, on parle هنا, autre que al-hakim. Un musulman, un prêcheur. Dans certains cas, c'est permis. Mais dans certains cas, c'est très très profitable de conseiller en public. قال الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمة الله عليه والقاعدة الشرعية أن النصيحة في الخطأ الفردي تكون سرا أولا وأما الخطأ الذي يقال أو يفعل على رؤوس الملا فيجب أن يبين على رؤوس الملا. La base, ça c'est une قاعدة مهمة très très profitable. أن القاعدة الشرعية أي la base dans notre دين أن النصيحة في الخطأ الفردي. أنا si tu conseilles quelqu'un qui a fait une erreur et cette erreur elle le regarde que lui, l'exemple مثلاً qu'on a lu, أن cet homme qui a fait salat et qui se tournait à droite à gauche, il avait un manque de concentration. ففي هذا الحال il a été conseillé سرا. Pourquoi? Il n'y a aucun besoin de le conseiller devant les autres, ça regarde que lui. مثلاً واحد tu as vu il a un manquement et ce manquement il regarde que lui, il fume, il boit, ça regarde que lui. Enfin, tu lui montres, conseille-le entre toi et lui, c'est anfa. قال واما الخطا الذي يقال او يفعل على رؤوس الملا. اما les erreurs qui sont propagées devant tout le monde, خاصة البدع والمحدثات. بعض الضلال ils propagent leur égarement sur les réseaux sociaux, dans des masajid, dans la rue. Bida' wa dalalat, bel ba'duhum, ils ont des aqwal kufriya wadhiha. Thumma, quand ils sont conseiller à Alanan, vu que l'erreur elle est propagée. Et beaucoup de gens ils écoutent. Donc le conseil, Huna, c'est pas que pour cet homme qui prêche, qui appelle à l'égarement. Là, le conseil c'est pour lui et Kadalik pour ceux qui écoutent. Les malades, les anoum, ils ont écouté cet égarement. Enfin, là, bout min al-bayan fi hadha al-hal. Lakin, tu trouves بعض الناس qui suivent haoula aveuglément et ils se fanatisent. Quand un radis sort, que ce soit d'un savant, d'un étudiant, la première chose que haoula ils disent à cause de leur ignorance, mais pourquoi ils ne le conseillent pas secrètement? Nous disons, s'il veut être conseillé secrètement, qu'il arrête de propager l'égarement publiquement. Enfin, s'il a des erreurs que lui, ce n'est pas par rapport aux autres, enfin, mais là, il trouvera quelqu'un qui le conseille, beynahu wa beyna. Amalayan, il propage, fait la boute que la réfutation, elle se propage. Et haoula, même kathir minhum, ils sont conseillés secrètement, ils n'acceptent pas. كم من أهل البدع والضلال العلماء يصبرون عليهم يباسيون et il leur montre مراسلات il m'a des lettres, il m'a des messages à notre époque, il m'a des coups de téléphone, ثم ils acceptent pas, ثم quand le radis sort ils disent les suiveurs mais pourquoi ils le conseillent pas en privé, là c'est pas ça, لأن الحق tout le monde doit l'accepter, enfin, même si c'est en public, si c'est le haq, accepte, même si ça te dérange, là je sais que ça fait du mal au nefs. Ça peut faire énormément de mal au nefs. Lakin al-insan, s'il veut la vérité, qu'il accepte. قال الشيخ نجمي رحمه الله. وأما الخطأ الذي يقال أو يفعل على رؤوس الملأ فيجب أن يبين على رؤوس الملأ. هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. Vous avez remarqué, on a, il a précisé pourquoi. Il y en a dans ce cas, et c'est ce point que beaucoup de gens ils ont du mal à comprendre. Ils sont fait ref là. On répète, un prêcheur, il a des milliers d'abonnés. Il y a des dizaines, centaines de personnes dans son masjid. Et il propage des erreurs, de l'égarement. Un tas, tu veux conseiller l'un. Comment faire? Tu n'as pas que le prêcheur là. Tu as le prêcheur et ceux qui écoutent. Fafiyad al-Hal, al-Ulama, ils autorisent, c'est légiféré, de conseiller en public. Si le prêcheur, il accepte, il veut accepter, il est prêt, ça ne lui fait aucun mal. Et en même temps, ceux qui écoutent, ils entendent. Annoncé. Ils ont écouté ces égarements. Mais si on conseille que le prêcheur, on conseille, même s'il accepte, il ne montre pas aux autres. Enfin, comment on fait? Les égarements, ils sont propagés, les cours, ils sont propagés, les audios, les vidéos. Enfin, là, chacun a un al-aqil, al-muwaffaq, celui qui veut la vérité, il acceptera al-kalam de cet imam, الشيخ النجمي رحمه الله عليه. قال هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين فإن كانت النصيحة عندكم مرفوضة فقولوا. C'est pour ça que الشيخ النجمي a fini par cette phrase. Pourquoi? لأن il a répondu à ceux qui disent mais pourquoi vous conseillez en public. الشيخ النجمي رحمه الله عليه il était معروف برودوده القوية على أهل البدع والأهواء. Il était connu أنه il réfutait beaucoup les égarés. Enfin, il leur a dit, il leur a expliqué pourquoi il parle en public. Thumma, à la fin, qala, fa in kanat an-nasiha 'indakum marfuḍa faqūlū. Soyez clair. Si vous n'acceptez pas an-nasiha, dites-le clairement. Dites-le, on ne veut pas que tu nous conseilles. Hatta on vous montre que vous êtes déségaré, même le conseil vous ne le voulez plus. Thumma qala fa in kuntum tarawna anna an-nasiha tajhir wa tuhibbūna an nuḥābiyakum 'ala al-akhṭa wa naskut 'ankum faqūlū. Thumma qala, si vous prétendez que un nasiha qu'on fait, pourtant c'est une nasiha lillah et on veut votre bien, c'est pour ça qu'on vous conseille. Si vous pensez que c'est des accusations, etc., dites-le. Thumma qala, wa tuhibbun an nuhabiyakum. Et si vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil, qu'on fasse comme al-ikhwan, al-muflissin, نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Si vous voulez que on se rassemble et chacun de nous on se tait sur ses erreurs, فقولوا, il leur a dit, soyez clair, dites-le. Et là chacun السني السلفي il refuse هذا المنهج المنحرف, le fait de suivre هذه القاعدة الباطلة qu'on vient de citer, قاعدة الإخوان. انتهى كلام الشيخ نجمي. قال ابن الجوزي رحمه الله كما في مناقب الإمام أحمد وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة. On a cité cet exemple pourquoi? لأن une mise en application de la règle que l'imam l'allama Cheikh Najmi l'a cité, que les salaf ils ont conseillé en public. Thaniyan, parce que c'est imam Ahl Sunnah à son époque, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh. Et là chakannahu c'était min a'lam an-nas bi tariqati as-sahaba radiyallahu anhum, et c'était min a'lam an-nas bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bil Qur'an alayhi rahmatullah. Thalithan, anna l'imam Ahmed, comme a dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a parlé sur certains gens, ce n'étaient pas des égarés. Fi al-akhyar, on répète, yatakallam fi jama'atin min al-akhyar. Il a parlé sur des gens, ce n'étaient pas des égarés. Lakin, qala idha sadara minhum ma yukhalif as-sunnah, lakin ils avaient des erreurs. Et ces erreurs, elles étaient propagées. Fa l'imam Ahmed, il a parlé pourquoi, qala Ibn al-Jawzi, wa kalamuhu mahmoul ala an-nasiha lid-din. Vu que l'imam Ahmed, il avait du poids. Sa parole, elle était écoutée. Walillahi alhamd. Et بعض الناس اغتروا à cause de certaines erreurs, même si c'était ça venait de certains comme سماهم هنا اخيار, des gens qui étaient sur le bien à la base. فالإمام أحمد il a conseillé en public pourquoi النصيحه. النصيحه. Et هذا الخير هذا الطيب qui a propagé cette erreur ou dont on a pris cette erreur, même si c'est en public, ça lui fait aucun mal. Léana, si c'est vraiment une erreur et l'imam Ahmed il a parlé bihaq, il accepte et on n'en parle plus. Amma ba'd al-nas la da'iman il reste sur cela. Mais pourquoi vous parlez en public? On qadr qu'on ne doit pas parler en public. Lakin, est-ce que le kalam c'est la vérité? Enfin, si c'est la vérité, accepte-la. Thumma, on ne parle plus en public. Vous verrez que ce qu'il rejette, c'est pas le fait que un nasihoun il parle en public. Là, ce qu'il rejette, c'est la vérité. Et il rejette la vérité avec هذه الشبه والقواعد الضالة فاحذروا. Faites attention. بعض الناس propagent مثل هذا الكلام. مثلا قولهم نصحح ولا نفضح أو ننصح ولا نفضح. أي on conseille, on n'est pas obligé d'afficher la personne. أو نصحح ولا نهدم. أو الكلام في الناس من الغيبة. أو هذا من تتبع عثرات المؤمنين etc. Certains égarés ont propagé ce genre de règles. Et la base c'est que ça vient de l'Ikhwan al-Dhullal. فلنحذر. كتب السلف مليئة بالردود والنصائح للمخالفين. Les livres des salafs ils sont remplis de conseils et de réfutations. Et là chacun de ces livres ils se sont propagés en public. فهذه هي طريقة سلفنا الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فبهذا انتهينا de la première partie de ce chapitre. Ce chapitre il est assez long. Et avant de passer au chapitre suivant, لماذا لأنه après avoir cité ce chapitre important النصيحة, il a cité une lettre, une nasiha d'un père à son fils avec des conseils très très profitables. لكن ça sera pour le prochain cours. Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna jami'an wa naktafi bihada wa hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.